crois que j'ai perdu mon amour. Crois que j'ai perdu mon amour. Dans les pages maudites des extensions de main. Je crois que j'ai perdu mon amour. Je crois que j'ai perdu mon amour. Je crois que j'ai perdu mon amour. Les pages, extension de main. Des extensions de main. Elle ne reviendra pas à la charge. Elle ne Encore une fois, et ça me fait chier.